La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous donc dans l'émission La Malle de Sindbad. Et bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Eh bien, nous vous proposons sans plus attendre un enregistrement qui a 60 ans. بنستقبل العام الخامس للثورة وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو سنة 52 النهاردة بتطلع قناة السويس في نفس اليوم بنشعر ان احنا بنحقق امجاد لينا بنحقق عزة حقيقية لن يكون سيادة في مصر الا لابناء مصر لن تكون سيادة في مصر الا لشعب مصر والان وانا اتكلم اليكم يتجه اخوة لكم من ابناء مصر ليديروا شركة القنال ويقوموا بعمل شركة القنال الان دلوقتي يستلموا شركة القنال شركة القنال المصرية مش شركة القنال الاجنبية قاموا دلوقتي يستلموا شركة القنال ومرافق شركة القنال ويديروا الملاحة في القنال القنال اللي بتقع في أرض مصر واللي بتحترق أرض مصر واللي هي جزء من مصر واللي هي ملك لمصر يقوم الآن بهذا العمل لنستعوض ما فات ولنستعوض الماضي ولنبني طروحا جديدة في العزة والكرامة وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله كلمة مصر مدوية عالية أعلن ردها العملي على مؤامرات المستعمرين ردها الحاسم على ألاعيبهم لقد أعلن الرئيس عودة القنال إلينا لقد أعلناها من قبل أيها المستعمرون بلادنا لنا لا أحلاف معكم لا تهادن مع أعداء الشعوب أيها المواطنون من أجل مصر صدر قرار تأميم وفي سبيل الرخاء والعزة استعدنا حقوقنا في القنال أيها المواطنون لقد سمع العالم كله هذا القرار الحاسم ستباركه الشعوب وسيفزع من أجله المستعمرون أما مصر فستسير قدما إلى الأمام لن يرهبها تهديد لن يرهبها ضغط أو عيد أيها المواطنون من الإسكندرية التي شهدت يوما خالدا تاريخيا من الإسكندرية التي اهتزت فرحا بالقرار التاريخي والتي تودع الرئيس وهو يغادر ميدان التحرير نحييكم ونهنئكم بعودة القنال والتحيا مصر. Et voilà une ambiance absolument survoltée, un mot qui se répète, el canal. Eh bien, il s'agissait du discours de nationalisation du canal de Suez, un discours donc lancé par Gamal Abdel Nasser, le Zaïm, le Raïs, et c'était les dernières paroles de ce discours. « Wal'an wa anatakallam ilaykum yattageh ikhwalakum min abna Misr liyudir al-qanal » Au moment où je m'adresse à vous, des frères, vos frères, des enfants de l'Égypte, sont en route pour administrer le canal. » شركة القناة المصرية مش شركة القناة الأجنبية la société égyptienne du canal pas la société étrangère du canal. Alors que se passe-t-il dans les années 1950 ? Eh bien, un certain nombre de choses, les officiers libres, Ad-Dobbat l'Ahrar, la crise de Suez, on va en reparler, la conférence de Bandung, ce rassemblement des pays non alignés en 1955, autant d'événements qui modifient en profondeur les rapports de force entre pays riches et pays pauvres et signent l'entrée du tiers-monde dans le concert des nations. Le 23 juillet 1952, le roi Farouk est déposé par un coup d'État orchestré par une ligue d'officiers, Ad-Dobbat al-Ahrar, les officiers libres, rejoints pour la circonstance par le général Mohamed Naguib. L'ancien régime a vécu. Umm Kulthoum embrasse la cause des officiers libres et elle se rallie immédiatement à Nasser. On rapporte qu'elle aurait fait sa connaissance lors d'une réception donnée à son propre domicile après la cuisante défaite essuyée lors de la guerre de 1948. Pourquoi avait-elle donné une réception chez elle ? Eh bien, elle souhaitait honorer les soldats égyptiens qui avaient vaillamment tenu la poche de Fallujah. Et vous vous souvenez, on en avait vaguement parlé, encerclés par les forces sionistes, ils avaient tenu, jusqu'à effectivement devoir se rendre. Nasser était à cette époque l'un d'eux. Le ministère de la Défense ne voit pas d'un très bon œil l'invitation lancée par Umm Kulthoum, désapprouve évidemment sa position, mais ça ne l'impressionne pas. Et elle maintient cette invitation en bonne patriote, nous dit-elle, et évidemment forte de l'aura qui est désormais la sienne. Quatre années ont passé, la jeune nation s'est lancée, sous la houlette de son raïs, de son président, Gamal Abdel Nasser, dans une politique de modernisation du pays. Parmi les grands travaux figure l'édification de Soud Ali, le barrage d'Assouan, grâce auquel l'agriculture doit être capable de nourrir des dizaines de millions de citoyens. Il faut trouver un financement à la hauteur du défi. Et c'est là évidemment que Suez arrive. Nasser s'engage dans un bras de fer crucial. Il compte proclamer la nationalisation du canal de Suez, Tamim el-Qanal. Le canal avait été percé à l'initiative de Lesseps et officiellement inauguré en 1869. Sa faillite commerciale avait déclenché la mise sous tutelle de l'Égypte par la Grande-Bretagne, puis, après la révolte manquée d'Ahmad Urabi, sa colonisation sous administration directe de l'Empire britannique. Le 26 juillet 1956, dans un célèbre discours que vous venez d'entendre, prononcé à Alexandrie, Nasser rend le canal aux Égyptiens contre les capitaux franco-britanniques. Paris et Londres donnent contre eux, et je cite un certain nombre d'articles et de déclarations d'hommes politiques français et britanniques de l'époque, Paris et Londres donnent contre le nouvel Hitler. On connaît la suite. Fin octobre, les signataires des protocoles de Sèvres activent l'alliance tripartite. La France, la Grande-Bretagne et Israël attaquent l'Égypte. Cette dernière est rapidement et facilement, naturellement, vaincue militairement. Mais elle obtient une large victoire diplomatique sur le tapis vert quand les deux grands, États-Unis et URSS, obligent les envahisseurs à se retirer. Et nous allons à présent écouter un nouveau morceau, Yamsafar Wahdak. C'est un morceau de 1942. Les paroles sont de Hussein Sayed, Kalimat Hussein Sayed, musique et chant de Mohamed Abdel Wahab, Alhan Warina, Mohamed Abdel Wahab. Bonne écoute. Thank you. مسافر وحدك مسافر وحدك وفقتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفى قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفى قلبي انا مسلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل على قمر الشوق انا حاستنى واصبر قلبي واتمنى على قمر الشوق انا حاستنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتهنى على نار الشوق انا حاستنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني وتهنى طمعني بقربك قوي وعدني طمعني بقربك قوي وعدني مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل كان بعدك حيطول ده انا قلبي احاول حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول مهما كان بعدك حيطول ده انا قلبي عمره ما يتحاول حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول بس انت يا تبقى فاكرني بس انت يا تبقى فاكرني مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل C'était « Yamsafer Wahdek », un morceau de 1942, paroles de Hossein Sayed, musique et chant de Mohamed Abdelwahab. Qui est Mohamed Abdelwahab ? Eh bien, il s'agit d'un des plus grands musiciens arabes du XXe siècle. À l'instar d'Oum Kalthoum, il a réussi à briller plus d'un demi-siècle. Brillant joueur de oud, ce luth arabe, compositeur très créatif, et toujours à la pointe de l'innovation, il s'impose comme l'autre monstre du panorama musical. Mais Oum Kalthoum le trouve trop moderniste, trop éloigné de la asala, de cette authenticité. Les deux égaux ne parviennent pas à s'accorder. L'un comme l'autre redoute d'être lésé dans un éventuel duo, comme si la voix et l'instrument s'affrontaient en duel. Qu'à cela ne tienne, l'entremise appuyée de Nasser les convaincra de travailler durablement ensemble. Et oui, car le Raïs s'intéresse de très près aux médias, à la radio notamment. La culture est un levier appréciable, encore plus lorsqu'un dirigeant y voit le moyen de compenser les ratés du développement promis ou de camoufler un autoritarisme croissant. Abdelwahab offrira une collection de perles. Amal Hayati en 1965, Entel Hub en 1965, Fakaruni en 1966, Hadi Leilati 1968, Wadarat el Ayyam 1970, Aradan Al-Qaq 1971 et premier célébrissime joyau. Enta Omri en 1964. C'est ce morceau, Enta Omri, que nous vous proposons pour nous quitter. Nous allons entendre l'introduction, les premières stanzas. C'est une version qui a pour parolier Ahmad Shafiq Kamel et, comme musicien, comme compositeur, Mohamed Abdelwahab. Bonne écoute et ma'as-salama.